La guitare, c'est le premier amour de Marc. Reconnu immédiatement comme l'un des instrumentistes les plus doués du moment, on le retrouve invité chez Steely Dan, Phil Lynott, Bob Dylan encore, Phil Everly ou Van Morrison. Une guitare qu'il ne quitte jamais et sur laquelle il s'amuse le soir, seul dans les studios. De groupe, Session Man, Marc ajoute début 82 des musiques de films à son palmarès. Et ça commence avec celle de Local Hero, de l'écossais Bill Forsyth, qui vient juste de